dit que ça dépend du mal. J'ai dit et si c'est un loup. Parfois je peux te faire du mal. Parfois je peux paraître relou. Parfois je peux paraître cool. Je peux ressembler à Janinan. C'est pas une meuf de la foule. Elle veut caresser le rock. Elle dit c'est son patronus. J'dis je veux pas être trop connu. Je veux pas finir comme Taiga. Elle pas comme Alia. J'suis inoffensif. J'ferais pas de mal à une mouche. J'aime pas me salir les mains. J'paierai pour pas compter l'eau. J'aime le petit chaperon rouge. J'aime le petit chaperon rouge. Qui n'a pas peur de la forêt. Qui n'a pas peur de dévorer. J'aime le petit chaperon rouge. J'aime le petit chaperon rouge. Qui n'a pas peur de la forêt. Qui n'a pas peur de dévorer. J'aime le petit chaperon rouge. J'aime le petit chaperon rouge. Qui n'a pas peur de la forêt. Qui n'a pas peur de dévorer. J'aime le petit chaperon rouge. J'aime le petit chaperon rouge. Qui n'a pas peur de la forêt. Qui n'a pas peur de dévorer. Elle dit que je suis pire qu'une tasse. J'lui dis qu'elle est pire qu'un chasse. J'pense qu'elle veut tous nous tuer. Qu'elle veut tous nous fumer. J'me sens comme Ace Blunt. Citron sur ses lèvres. La façon dont elle le fait me rend chef. Comment vous dire, je sèche. Je sais que tu sais, donc gardons ça secret. Comment vous dire, je sèche. Je sais, tu sais, donc gardons ça secret. J'aime le petit chaperon rouge. J'aime le petit chaperon rouge. Qui n'a pas peur de la forêt. Qui n'a pas peur d'être dévoré. J'aime le petit chaperon rouge. J'aime le petit chaperon rouge. Qui n'a pas peur de la forêt. Qui n'a pas peur d'être dévoré. J'aime le petit chaperon rouge. J'aime le petit chaperon rouge. Qui n'a pas peur de la forêt. Qui n'a pas peur d'être dévoré. J'aime le petit chaperon rouge. J'aime le petit chaperon rouge. Qui n'a pas peur de la forêt. Qui n'a pas peur d'être dévoré.